واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 10 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan. Al-Usul al-Thalatha, c'est-à-dire les trois fondements, c'est-à-dire les trois fondements de l'islam. Et c'est un livre qui est un livre de référence dans l'enseignement de la croyance islamique. Et il explique aux musulmans les bases de l'islam, les bases de la croyance dans l'islam. Donc pour les débutants, c'est un des meilleurs livres qui existent parce qu'il explique vraiment bien les bases de la foi dans l'islam et les bases du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est rendu donc au cours numéro 10 dans ce livre-là et à la fin du numéro 10, donc on est toujours dans la deuxième partie, si je ne me trompe pas, la deuxième partie de l'introduction de Al-Usul al-Thalatha, où le cheikh maintenant explique le fait qu'on doit adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est rejeté, est faux. Et on a parlé justement de ce point-là et de la preuve que le cheikh a mentionné à ce sujet-là lorsqu'il a mentionné le verset 18 dans sourate al-Jinn. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. C'est-à-dire que les lieux d'adoration sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors n'invoquez personne dedans ou dans ces lieux-là avec Allah subhanahu wa ta'ala, n'invoquez personne autre que Allah ou n'invoquez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. On a expliqué que quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit n'invoquez personne, ça veut dire peu importe la chose. Il n'y a rien qui est exclu. Il n'y a pas d'exception à cette interdiction-là. C'est-à-dire que ce soit un ange, que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé, une idole, une statue, une tombe, un cheikh, un imam, un wali, un vivant ou un mort, un animal ou une chose, toute chose qui peut être adorée par les êtres humains en dehors d'Allah, cette chose-là n'a pas le droit d'être invoquée ou adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit limiter notre adoration et restreindre notre adoration à Dieu seul. Et lorsqu'on veut adorer Dieu, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on doit uniquement passer par Allah subhanahu wa ta'ala directement. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de passer par un intermédiaire ou un intercesseur pour adorer Dieu, on doit adorer Dieu directement. Le Cheikh il dit فَهِيَ تَعُمُّ كُلَّ مَا يُدْعَى فَهِيَ تَعُمُّ كُلُّ مَا دُعِيَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُلُّ مَا دُعِيَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَنْفَعُ إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ وَأَنَّهَا إِذَا خَالَطَهَا الشِّرْكُ فَإِنَّهَا وعليكم السلام ورحمة الله فإنها يعني تبطل وتكون وبالا على صاحبها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh explique que si quelqu'un invoque quelque chose d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est-à-dire son adoration elle est mélangée avec du shirk, dans ce cas-là cette adoration-là n'aura aucune utilité pour cet individu qui l'a fait. C'est-à-dire le fait qu'il a mélangé son adoration avec de l'idolâtrie ou du shirk, son adoration n'aura pas de valeur. Donc, toute chose qui est invoquée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est mentionné dans ce verset-là, donc c'est quelque chose qui est rejeté. C'est quelque chose qui est interdit. C'est ce qu'on appelle le shirk. Donc, l'adoration, ton adoration sera uniquement bénéfique et valable si elle est accomplie, en étant accomplie sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah. Avec unicité, c'est-à-dire dans le sens que tu adores seulement Allah et que tu rejettes tout ce qui est adoré en dehors de lui. Sinon, ton adoration, elle est vaine. Et elle va se retourner contre la personne qui l'a faite. ثم قوله تعالى وأن المساجد لله يجب أن تبنى بنية خالصة لا تكون القصد من بنائها الرياء والسمعة وتخليد الذكر كما يقولون وتكون آثارا إسلامية هذا كله باطل المساجد تبنى للعبادة وبقصد العبادة وتكون النية فيها خالصة لله عز وجل وأيضا تبنى من كسب طيب ولا تبنى من كسب حرام لأن الله تعالى يقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا في حديث أخرجه أبو هريرة من حديث مسلم إن الله لا يقبل إلا طيبا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة فتبنى المساجد من نفقة حلال وتكون نية بانيها خالصة لوجه الله عز وجل لا يريد من بنائه مدحا من الناس أو تخليدا لذكره أو رياء أو سمعة فإن بناء المساجد عبادة والعبادة يجب أن تكون خالصة لله Donc, le cheikh explique que les mosquées, c'est obligatoire qu'elles soient bâties avec sincérité pour Allah et avec une pureté d'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la personne, quand elle construit une mosquée, il ne faut pas que ce soit avec ostentation, avec riya. C'est-à-dire que la personne, elle fait construire une mosquée pour montrer aux gens qu'elle veut faire une grosse mosquée ou qu'elle veut faire une mosquée ou qu'elle veut faire du bien. Ou pour avoir une bonne réputation. Hein, ou bien pour faire perpétuer son rappel et son nom. Pour que les gens se rappellent de son nom par la suite dans les générations futures. Ou pour que ça reste comme un genre de, comme on appelle, un monument, oui c'est ça, comme une sorte de monument qui va commémoratif, exactement. Donc si c'est fait dans ce but-là, alors dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est totalement faux. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter. La personne qui fait une mosquée dans cette intention-là, Allah ne va pas l'accepter. Il dit les mosquées, on doit uniquement les bâtir avec l'intention d'adorer Allah. Et donc, si tu fais construire une mosquée, il faut que ce soit avec une intention pure, pour que ce soit pour Allah subhanahu wa ta'ala, et également il faut que tu la fasses construire avec de l'argent qui est halal, avec de l'argent qui est gagné d'une source qui est correcte, qui est licite. Il ne faut pas que ce soit une mosquée qui est bâtie avec de l'argent haram, de l'argent illicite, parce que tu le fais pour Allah, et Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Allah n'accepte que ce qui est bon. Allah n'accepte que ce qui est bon. Donc si quelque chose il est bâti avec de l'argent qui est haram, c'est sûr que ce n'est pas bon et Allah ne l'acceptera pas. D'accord ? Et ensuite, il mentionne le fait que donc la mosquée doit être bâtie avec de l'argent halal et la personne qui l'a construite doit avoir une intention sincère pour le visage d'Allah seul. Il ne veut pas le construire parce qu'il veut que les gens le glorifient, que les gens se rappellent de son nom, ou bien que ce soit, comme on a dit tout à l'heure, un monument commémoratif, ou bien que ce soit fait par ostentation, ou par exemple pour sa réputation, pour qu'il ait une bonne réputation. La mosquée, construire une mosquée, c'est une adoration, et donc il faut qu'elle soit pure, notre intention. Il faut que notre intention soit pure pour Allah seul quand on la fait bâtir. Donc ça c'est pour le point numéro 2. D'accord ? Pour le point numéro 2 dans la deuxième partie de l'introduction de Al-Usul al-Thalatha. Maintenant il y a le point numéro 3, Al-Thalitha. C'est un point qui a rapport avec la question de Al-Wala ou Al-Bara. C'est-à-dire le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah et de s'affilier avec les hommes par rapport à leur foi en Allah et de se désavouer des hommes par rapport à leur relation envers, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu établis les liens que tu as avec les hommes par rapport à leur attachement et leur rapprochement ou leur éloignement de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vas pas agir avec les hommes par intérêt seulement, c'est-à-dire par intérêt matériel ou pour un bien quelconque dans cette vie seulement, comme les gens aujourd'hui le font. En général, si quelqu'un est ton ami, c'est parce qu'il va profiter de toi quelque chose de matériel dans la dunya. L'islam, elle nous en donne d'avoir des interactions avec les hommes et de se rapprocher et d'aimer les croyants et de s'éloigner et de se détacher des non-croyants. Et on va expliquer les détails à ce sujet-là dans les paroles du Cheikh. Le Cheikh, il dit comme point numéro 10, c'est-à-dire le point numéro 10 dans la deuxième partie, dans la deuxième introduction, ça c'est dans les Barakallahu Fikari, Jazakallahu Khairan. Donc il dit comme Al-Thalitha, Man ata'a al-Rasul wa wahhada Allah, la yajuzu lahu muwalata man hadda Allah wa Rasulah, wa law kana aqraba qarib. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Donc qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie que celui qui a obéi au messager et qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, il n'est pas permis pour lui d'aimer toute personne qui s'oppose à Allah et à son messager, même si cette personne est le plus proche parmi ses proches parents. Même si cette personne est la plus proche d'entre ses proches parents. Et il cite à ce sujet-là le verset 22 dans Surat Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou leur tribu. Ceux-là sont ceux pour qui, c'est-à-dire ceux qui ceux qui n'ont pas aimé ces gens-là, sont ceux pour qui Allah a prescrit la foi et il les a renforcés d'une force venant de lui, et il le fera rentrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Il est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Ils sont le parti d'Allah, et certes le parti d'Allah, ce sont eux les ceux qui auront les succès, et ceux qui ont al-falah, c'est eux qui auront le succès, al-muflihun, c'est-à-dire ceux qui ont al-falah. Al-Falah, c'est le succès. Ok? Al-Muflihun, c'est ça. Ceux qui ont le paradis, la félicité, si on veut, hein, la félicité. Farhan, est-ce que tu peux m'amener une traduction, le Coran, en français, s'il y en a une là où. Donc, le Cheikh explique, il dit, à ce sujet-là, la yajuzu liman fa'ala dhalik. موالات من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب بارك الله فيك نعم ولو كان أقرب قريب هذه مسألة الولاء والبراء وهي تابعة للتوحيد من حقوق التوحيد الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله والموالاة والولاء بمعنى واحد والولاء يراد به المحبة بالقلب ويراد به المناصرة والمعاونة ويراد به الإرث والعقل في الديات فالمسلم يوالي أولياء الله بمعنى أنه يحصر محبته على أولياء الله ويناصرهم فالمسلم يكون مع المسلمين بعضهم أولى ببعض كما قال تعالى وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Donc le Cheikh explique qu'il n'est pas permis donc à quiconque a cru en Allah et qu'il a unifié Allah subhanahu wa ta'ala, il a obéi au messager, il a unifié Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas permis pour lui d'aimer et de prendre pour allié, de se rapprocher de ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager, fussent-ils les plus proches de leur famille, comme leur père, comme leur fils, ainsi de suite. Et ça, c'est la question, le sujet qu'on appelle al-wala ou al-bara. Al-wala ou al-bara. Et cette question-là, elle est reliée directement avec le tawhid. Et elle fait partie des droits du tawhid. Donc, al-wala ou al-bara, ça fait partie des droits du tawhid. Puisque tu dois aimer ce que Allah aime, et tu dois te désavouer de ce que Allah n'aime pas. Hein? Si quelqu'un dit, moi je suis un croyant, et j'aime Allah, puis que par la suite, il aime ce que Allah déteste, puis il déteste ce que Allah aime, alors ça veut dire qu'il n'aime pas vraiment Allah. Hein? Ou bien par exemple, il dit qu'il est croyant, mais ce que Allah déteste, il l'aime, pas seulement les personnes, mais même les choses qu'Allah déteste, il les aime, et ce que Allah déteste, il les aime. Donc, il y a un problème. Il faut aimer ce qu'Allah aime et détester ce qu'Allah déteste, que ce soit des individus ou que ce soit des choses. Hein? Donc, ça, c'est important. Et après, le cheikh, il dit donc que al-muwalat ou al-wala bima'nan wahid. Donc, en arabe, on dit muwalat et on dit al-wala. Ça veut dire la même chose. Et on peut traduire ça par, si on regarde sur le plan linguistique, al-wala et al-muwalat, c'est l'amour, c'est le rapprochement et tout ce que ça implique. Donc, le cheikh, il dit, quand on dit al-wala, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amour du cœur, premièrement. Et on veut dire également le fait de secourir et d'aider. Le fait de secourir et d'aider. Et on veut dire également l'héritage, le fait d'hériter. Hein? Et également al-aql fiddiyat. Al-aql fiddiyat, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque quelqu'un, par exemple, a accidentellement tué quelqu'un. Ok? Sans faire exprès. Un meurtre accidentel. Ou un accident, comme avec ta voiture, sans faire exprès, t'as frappé quelqu'un. Donc, dans ce cas-là, tu dois payer le prix de sang pour la vie de cette personne que tu as tuée. Et, étant donné que c'est une grosse somme, je pense que c'est une centaine de chameaux, la valeur d'une centaine de chameaux, c'est beaucoup d'argent. Et, donc, les membres de ta famille, hommes, les hommes de ta famille, du côté de ton père, c'est eux qui doivent t'aider à payer cette dia, ok, cette somme d'argent. Ici, les gens, ils n'ont pas l'habitude de payer quoi que ce soit parce que il y a, comment on appelle, les assurances qui payent ici. Mais sinon, s'il n'y avait pas d'assurance, en principe, c'est comme ça. C'est les gens qui doivent payer tout ça de leur propre poche. Bien entendu. Parce que les gens, là, ils sont souvent irresponsables. Parce que même, il y en a des fois, ils font des blagues. Ils disent, ça ne me dérange pas, même si la personne, là, il arrive un accident, ça ne me dérange pas, j'ai mon assurance. Hein? Et les gens dépendent sur leur assurance. Et il y a beaucoup de fraudes, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas correctes. Ben oui, ça c'est des. Oui, mais il faut, dans le sens que la personne doit payer pour la vie de cet individu-là. Parce que si quelqu'un a tué intentionnellement, c'est une plus grosse punition que ça encore. Là, c'est la peine de mort pour le meurtre dans l'islam. En plus de payer pour la vie de la personne, le prix de sang aussi. Et bien entendu, la famille de la victime a le choix de pardonner le coupable s'ils veulent pour le meurtre. Mais sinon, ils peuvent exiger la peine de mort pour le responsable du... C'est ça. C'est ça. Pour des gens qui sont vraiment pauvres, qui ne peuvent pas payer, ça, le prophète Sarsam a mentionné dans le hadith que ça fait partie des catégories de gens qui ont le droit de mendier, qui ont le droit de demander. Hein? Donc, même Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans les catégories des gens, je pense, qui peuvent demander de la zakat aussi. Donc ça fait partie de ces catégories-là. Et donc, une des trois catégories des gens qui ont le droit de mendier, c'est parmi ces gens-là, c'est ceux qui ont justement à payer ce genre de paiement-là. Non. C'est la valeur de ça. C'est la valeur de ça. Mais en fait, là, on parle des règles de ces questions-là telles qu'elles sont mentionnées dans les livres de fiqh et dans la sunna et dans le Coran pour expliquer le principe. Même si la réalité actuelle, comment les choses fonctionnent, a changé. Mais c'est pour comprendre à la base le principe, c'est quoi dans l'islam, oui. C'est ça. Toutefois, bon, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de choses actuellement dans les sociétés qui ont beaucoup changé. Maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Mais pour savoir que dans l'islam, il y avait ces principes-là à la base et il y en a toujours de ces règles-là qui régissent les situations de cette façon-là. Ouais, même en Arabie Saoudite, c'est encore comme ça. Hein? Exactement. Donc nous aussi on n'a pas de responsabilité, on pense pas à la responsabilité. Si quelqu'un, par exemple, on a une assurance, ici l'assurance est obligatoire pour au minimum, hein, un côté, c'est le minimum obligatoire. Si par exemple quelqu'un il fait un accident, par exemple, il perd le contrôle de sa voiture, il rentre dans une station d'essence, ça explose, il y a plein de destructions, puis il y a des morts et tout, c'est qui va payer pour tout ça? Là, avec l'assurance, t'es couvert, disons, pour, je sais pas, 1 million. Tu vois. Donc, c'est des exemples. Mais les gens, ils pensent plus aux responsabilités puis aux conséquences parce qu'ils disent, ah, l'assurance va tout payer. Mais qu'est-ce qu'il y a eu si t'avais pas l'assurance? Là, qu'est-ce que tu ferais pour payer ça? Hein? Aussi, l'alcool. Ben, déjà, l'islam interdit l'alcool. Donc, alhamdoulilah, ça règle ce problème-là. Mais, malgré tout, donc, on voit ici qu'ils permettent l'alcool, mais en même temps, ils essayent d'être plus sévères dans la peine lorsque quelqu'un est coupable d'alcoolisme au volant. Donc, ça, c'est des exemples de contradictions dans les lois de la société des koufars. Mais bon. Pour revenir à la question, c'est que, toutes ces choses-là, c'est des choses qui montrent qu'en islam, entre les croyants, il faut qu'il y ait ce lien, hein, d'entraide. Toutefois, il n'y a pas ça entre les croyants et les non-croyants. Le cheikh explique, comme par exemple, il dit que le musulman, il est l'allié des alliés d'Allah. Le musulman, il s'allie et il aime ceux que Allah aime. Dans le sens qu'il va limiter l'amour qu'il a aux gens qui sont proches d'Allah et qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, et il va venir à leur rescousse et à leur secours pour les aider parce que yani, ce sont des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, donc, il doit être avec ses frères et il doit sentir que ses frères ont un droit sur lui. Et le cheikh, il cite le verset 75 dans surat Al-Anfal. Et ceux qui, après cela, ont cru et émigré et lutté en votre compagnie, ceux-là sont des vôtres. Cependant, ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d'après le livre d'Allah. Et donc, il dit, ce verset a abrogé le droit de l'héritage des frères contractuels mentionnés. Donc, ok. Donc, c'est ça que le cheikh dit. « وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ » Donc, les gens qui ont un lien de parenté, ils ont des droits les uns envers les autres dans le livre d'Allah. Et il dit, فَالتَّعَاقُلْ فِي دِيَاتِ الْخَطَى يَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مَا يُسَمَّ بِالتَّكَافُلِ كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي الْوَلَى فَلَا يَكُونُ الْوَلَى بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَالْمَحَبَّةُ وَالنُّصْرَةُ وَالْمِيرَاثُ وَالْعَقْلُ وَوِلَايَةُ النِّكَاحِ wa wilayatul qada ila ghayri dhalik. Donc tout ça, ça a un rapport avec al-wilaya, le fait que les croyants, ils s'aiment entre eux et ils se supportent les uns les autres et ils doivent s'entraider. Malheureusement, c'est pas ça qu'on retrouve tout le temps actuellement. Des fois, on a l'impression que c'est chacun pour soi, hein, entre les musulmans. Surtout ici, dans ces pays-là, on voit que on est supposé, en tant que musulmans, de s'aimer les uns les autres, de s'entraider les uns les autres, de travailler les uns avec les autres, hein, de s'épauler les uns avec les autres, pour être unis, pour être comme un seul corps. Hein. Mais des fois, on remarque qu'on est devenu un peu individualiste, parfois. Hein? Donc le cheikh il explique, il dit donc at-ta'aqul, c'est ça, comme j'expliquais tout à l'heure par rapport au prix de sang, lorsque quelqu'un a tué accidentellement quelqu'un, que c'est pas prémédité ou bien que c'est un accident, donc dans ce cas là il y a les hommes, les proches de la famille qui vont aider pour payer cette dette-là. Et ceux qui aident pour payer la dette, lorsqu'il y a un prix de sang à payer, c'est les mêmes que les héritiers. Donc, étant donné que lorsqu'il y a un héritage, c'est eux qui vont recevoir de l'héritage de cette personne-là si elle meurt, c'est aussi eux qui doivent payer si la personne tombe dans un accident ou qui doit payer lorsque la personne fait ce genre d'accident-là. Et donc tout ça, ça rentre dans qu'est-ce qu'on appelle al-wala. Et donc al-wala, c'est uniquement entre les croyants entre eux, et non pas entre les croyants et les non-croyants. Donc l'amour, l'entraide, l'héritage, et comme on a dit par rapport lorsqu'il y a un accident ou des choses comme ça, ou lorsque on a besoin de quelqu'un comme pour être wali dans le mariage entre les musulmans, ou bien un juge, ou bien un dirigeant, ça c'est uniquement pour les croyants. C'est pas pour les non-croyants. D'accord? Hein? Al-wala, comme je t'ai dit, c'est l'amour, l'entraide, le support, hein, le rapprochement, ainsi de suite. Ensuite, le cheikh explique, il dit, فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا يجب أن يتميز المؤمن هكذا يجب أن يتميز المؤمنون عن الكفار فلا يجوز لمن وحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم موالاة من حد الله. Donc le cheikh explique que al-wala, c'est uniquement entre les croyants. L'amour, l'entraide, c'est uniquement entre les croyants. Et il mentionne le verset 141 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et jamais Allah ne donnera une voix aux kuffars contre les croyants. D'accord? Et donc le cheikh il dit, il est obligatoire de distinguer entre les croyants et les non-croyants. Ok? Et il n'est pas permis, donc à celui qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration et qui a obéi au messager, de prendre pour allié ceux qui s'opposent à Allah. Ceux qui s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh explique. Zi wal muhadda ma'naha an yakuna l'insanu fi janib. والله ورسوله والمؤمنون في جانب آخر ويكون المحاد في جانب الكفار هذه هي المحادة. Donc qu'est-ce que ça veut dire المحادة? Quand Allah dit لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. Ici dans ce verset, il dit yuhadduna man hadda Allah. Qu'est-ce que ça veut dire man hadda Allah? Celui qui a opposé Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, c'est ça que ça veut dire. Donc opposé, ça veut dire quoi? Al-muhadda, ça veut dire toi, quelqu'un va être d'un côté, puis Allah subhanahu wa ta'ala est d'un autre côté, avec le, comme Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager et les croyants sont du côté opposé. Donc toi tu te mets du côté des koufars contre le côté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager et des croyants. C'est ça al-muhadda. C'est un verbe en fait, selon la façon dont tu le conjugues, il va changer. Le manhad d'Allah, je pense que ça vient de, je pense, probablement de hadada, la racine. Mais bon, ça c'est. Mais si al-muhadda, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est comme par exemple quand tu regardes par exemple une lame qui est affilée, bien affilée, tu dis elle est had. Hein? C'est-à-dire qu'elle est très affilée, très coupante. Et la même chose quand tu dis muhadda, ça dit l'opposition. Hein? Quand il y a on a coupé. Ouais, c'est ça. Le mot, il peut. Selon la forme que, sur laquelle tu le mets, puis ça va changer, mais tu peux dire, quand dans le verset, c'est utilisé comme un verbe. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on n'a pas le droit d'aimer ces gens-là. On n'a pas le droit d'aimer quelqu'un qui oppose Allah et son messager et qui oppose les croyants. Même si ce sont les plus proches d'entre tes parents, d'entre tes proches parents. Et le cheikh il dit, قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٌ أي نَسَبًا فَإِذَا كَانَ قَرِيبُكَ مُحَادًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَيَجْبُ عَلَيْكَ مُحَادَّتَهُ وَمُقَاطَعَتَهُ ومن كان وليا لله ورسوله وجب عليك أن تحب أن تحبه وتواليه ولو كان بعيدا من النسب عنك ولو كان أعجميا أو أسود أو أبيض أو أحمر يجب عليك أن تواليه وأن تحبه سواء كان من بلدك أو من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أي بعضهم بينهم المحبة والتناصر والتعاون وبينهم الألفة وهذا بين المؤمنين. Donc le cheikh explique que on doit tous s'aimer entre les croyants, mais il dit par rapport aux non croyants ou ceux qui s'opposent à Allah et son messager, on ne doit pas les aimer. Même si ce sont tes plus proches parents, ton père ou ta mère ou tes frères ou tes soeurs ou ainsi de suite. Hein? Si ce sont des gens qui s'opposent à Allah et à son messager. Donc il est obligatoire pour toi de t'opposer à eux et de trancher entre toi et eux. Et que tu dois être un allié d'Allah et de son messager. Donc si tu trouves quelqu'un qui est un allié d'Allah et de son messager, tu dois les aimer. Et tu dois te rapprocher d'eux et les prendre pour alliés et te sentir frère avec eux. Même s'ils sont, même s'ils n'ont aucun lien de parenté avec toi, même si ce sont des étrangers, c'est-à-dire ce sont des non-arabes, ce sont des noirs, ce sont des blancs, ce sont des rouges, peu importe leur couleur, si ce sont des croyants, tu dois les aimer, c'est tes frères. Il est obligatoire pour toi de les aimer et de les prendre pour proches. Et de les prendre pour alliés. Peu importe que ce soit des gens qui sont de ton pays, ou que ce soit des gens qui viennent de l'Extrême-Orient, ou de l'Occident, ou peu importe de où ils viennent. Et justement, à ce sujet-là, le cheikh il mentionne le verset 71 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les croyants et les croyantes, ils sont donc alliés les uns des autres. C'est-à-dire qu'entre eux, il y a l'amour, l'entraide et le support mutuel et le rapprochement. Ça, c'est entre les croyants. Ils doivent être comme ça. Malheureusement, ce n'est pas toujours ça qu'on retrouve parfois entre les musulmans aujourd'hui. On retrouve que les gens, ils se rapprochent les uns les autres par rapport à leur pays, par rapport à leur origine, par rapport à des choses de ce genre, à leur couleur ou à leur langue, comme ici au Québec, hein, il y a les nationalistes, ils veulent rapprocher tout le monde sur la langue française. Et tout le monde qui aime la langue française, on veut s'unir avec eux pour qu'on soit ensemble, unis, peu importe notre religion, peu importe notre origine, peu importe notre couleur. Ça c'est contraire à l'islam. Parce que l'islam, on ne s'unit pas sur une langue. Dans l'islam, on ne s'unit pas sur une couleur. Dans l'islam, on ne s'unit pas sur un peuple ou une nationalité ou une chose de ce genre. Dans l'islam, on s'unit sur la foi. On s'unit sur l'iman. La foi en Allah, la foi en son messager. Donc tous ceux qui croient en Allah et en son messager, comme nous, alors nous, on les aime. Ce sont nos frères, peu importe qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient de tel ou tel pays, qu'ils soient québécois ou chinois ou grecs ou russes ou italiens, ce sont nos frères. Puis, yani, quelqu'un qui est de ton propre pays, si c'est quelqu'un qui s'oppose à Allah et à son messager et qui déteste Allah et son messager et qui combat l'islam ou qui rejette l'islam, même s'il a la même langue que toi, même s'il a il est du même peuple que toi, il est ton ennemi en Allah. Parce qu'il ne croit pas en Allah et en son messager. D'accord? Donc c'est ça les liens qu'il doit y avoir entre nous. Et c'est de cette manière-là qu'on doit voir les choses. Parce que aujourd'hui, les gens ont fait passer les intérêts de la dunya au-dessus des intérêts de la religion. Et c'est ça qui fait que parfois, on a des problèmes entre nous. Hein, par rapport à ça. Le cheikh, il dit ensuite, il explique le verset 22 dans sourate Al-Mujadala. Il dit, قوله تعالى لا تجدوا هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي لا يقع هذا لا يكون موجودا أبدا أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفار فإن أحبهم فإنه ليس بمؤمن ولو كان يدعي ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, il dit tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas, ça veut dire quoi? Ça c'est Allah qui s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, ça se peut pas, tu vas pas en trouver. Ça existe pas. Qu'un croyant qui croit en Allah et en son messager, il va aimer des koufars. Ça se peut pas. Il va aimer des koufars. C'est-à-dire, il va aimer ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Ça se peut pas. Si ça se trouve, ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu trouves quelqu'un, il dit qu'il croit en Allah, il dit qu'il croit au messager, puis il aime les koufars, quand on dit il aime les koufars, il aime les koufars, il aime leur mécréance. Il aime, est d'accord avec eux sur leurs croyances, qui sont en opposition avec les bases de la foi islamique. Ça se peut pas. C'est impossible. Parce que toi, tu es croyant en Allah, tu dis je crois en Allah, je crois que Allah est unique, il n'y a rien qui doit être adoré en dehors de lui, il n'y a rien qui doit être associé avec lui. Puis tu aimes ceux qui disent Allah, il a des partenaires dans l'adoration, puis qui adorent des idoles ou autres avec Allah, ou qui associent à Allah un fils, ou qui croient en une trinité. Et tu dis, je les aime dans leur croyance, par rapport à leur croyance, parce qu'ils croient en ça. Et je les défends dans cette croyance-là et je les supporte là-dedans. Ça prouve que tu n'as pas cru en Allah réellement. Parce que si tu croyais réellement en Allah, tu ne vas pas être d'accord avec eux. Tu ne vas pas les aimer dans cette croyance-là. Tu vas les détester dans cette croyance-là. Hein? Donc quand on parle d'amour des croyants, c'est de l'amour des croyants par rapport à leur foi et à leur croyance. Tu aimes ceux qui croient en Allah correctement et qui suivent l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam correctement. Puis tu détestes les koufars à cause de leur mécréance, dans le sens qu'ils ont une foi qui est incorrecte. Ils associent avec Allah subhanahu wa ta'ala des idoles ou des partenaires, ou ils adorent des images ou des statues ou des saints ou des prophètes ou des anges ou des djinns ou autre chose avec Allah, donc dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de les aimer par rapport à ça. Le verset 22 dans Surat Al-Mujadala. Donc si quelqu'un me dit, moi je suis musulman, mais j'aime les chrétiens, parce que les chrétiens, ils adorent Jésus. Là je vais dire, hey, si tu les aimes parce qu'ils adorent Jésus, là il y a un problème. Ou bien, mais si tu dis par exemple, j'aime un tel individu parce que lui, il est chrétien, il me donne, par exemple, chaque fois qu'il me voit, il me donne, par exemple, je sais pas moi, il me donne par exemple un biscuit ou un gâteau. Hein? Oui, il est gentil. Bon, si tu aimes cette gentillesse-là ou ce geste, ça c'est autre chose, ça c'est pas, il n'y a pas de mal là-dedans. Hein? C'est, le problème c'est si tu aimes cet individu-là par rapport à sa mécréance, par rapport au shirk, par rapport au kufr qu'il fait, ou par rapport à des idées qu'il défend qui sont opposées à la foi. Hein? C'est ça qui est en opposition avec l'islam et qui est en opposition avec la foi. C'est-à-dire que si quelqu'un il a cet amour-là pour le kafir ou pour le mushrik, il devient mécréant, il sort de l'islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le Coran, c'est le verset, je pense, 51, dans Surat Al-Ma'idah. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يحب إن الله لا يحب القوم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc ça veut dire quoi ce verset là? Ça veut dire, oh vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, c'est-à-dire ne les aimez pas, hein, parce qu'ils sont les alliés les uns des autres, c'est-à-dire ils s'aiment les uns les autres, ils se défendent les uns les autres. Les juifs et les chrétiens, il y a toujours cette, hein, comme ils disent, les liens judéo-chrétiens, hein, ou la, hein, ils disent toujours les origines judéo-chrétiennes, toujours ils associent ces deux-là ensemble. Hein. Ne les prenez pas les uns. Et ceux qui les prennent d'entre et ceux d'entre vous qui les prennent pour alliés, d'entre ceux parmi vous qui les prennent pour alliés, il est un des leurs. Il est un des leurs. Ça veut dire qu'il est un des leurs dans le sens que s'il les prend pour aller dans le sens qu'il les aime et qu'il se rapproche d'eux, parce qu'il est d'accord, il les aime par rapport à leurs fausses croyances, par rapport à leur shirk, par rapport à leurs égarements et leurs mécréances, s'il les aime pour ces raisons-là, alors automatiquement c'est sûr qu'il est un des leurs. Parce que tu peux pas dire moi je les aime ces gens-là pour ça, puis tu es d'accord avec l'islam en même temps et les musulmans. C'est contradictoire. Hein? Donc c'est qu'est-ce qu'on appelle al-wala ou al-bara. Donc le cheikh dit tu peux pas trouver un musulman, hein, il les aime, il prétend être sur la foi en même temps, ça se peut pas. Et il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya dans sa Nouniyya, c'est-à-dire al-Kafiyat al-Shafiya. C'est un poème qu'il a écrit pour défendre la croyance d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, et il est composé de 6000 vers. Et donc, dans ce poème-là, il y a, mashallah, beaucoup d'arguments pour défendre le tawhid et l'islam et pour réfuter les gens du kufr, du shirk et de la bid'a. Il dit dans ce poème, est-ce que tu aimes les ennemis d'Allah et tu prétends avoir de l'amour pour lui? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est-à-dire, est-ce que tu aimes les ennemis de Al-Habib, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou du messager sallallahu alayhi wa sallam? Tu prétends que tu aimes les ennemis du messager et que tu prétends l'aimer. Hein? Ou tu prétends aimer Allah subhanahu wa ta'ala et tu aimes ses ennemis. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et de même que tu détestes et que tu prends en opposition en luttant contre ceux qui l'aiment, en luttant contre ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, et tu t'opposes à eux, tu t'opposes à ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, tu luttes contre eux. Où est-ce qu'elle est l'amour dans ce cas-là? Hein? Ô toi le frère du shaytan. Al-Nouniyya. Ou bien Al-Kafiyat al-Shafiya. Il dit, est-ce que tu aimes les ennemis d'Allah et tu prétends l'aimer? Ça c'est pas possible. De même que, est-ce que c'est possible que, hein, il dit, tu t'opposes aux gens qui croient en Allah et tu t'opposes à ses alliés, hein, puis tu prétends, hein, que tu les aimes, tu prétends que tu aimes les alliés d'Allah, puis tu luttes contre eux, où est-ce qu'elle est cet amour? Quel amour? De quel amour tu parles dans ce cas-là? Hein? Il n'y a pas d'amour là. Oh, toi, le frère du shaitan. Donc, si tu aimes vraiment les croyants et tu aimes la foi, tu vas défendre la foi. Mais si tu commences à combattre la foi, puis tu dis j'aime la foi, ça, c'est pas normal. Exactement. Donc, ça, c'est quelque chose là, aujourd'hui, des fois, on remarque ça de la part des gens qu'on appelle les munafiqin, parmi les musulmans, les hypocrites, les munafiqoun. Comme par exemple chez les laïcs, d'entre les gens qui se disent laïcs, musulmans. Ils s'opposent à l'islam, ils s'opposent aux enseignements de l'islam, ils s'opposent aux règles de l'islam, ils s'opposent aux musulmans qui veulent appliquer l'islam, qui appellent à l'application de l'islam, qui appellent au tawhid et à la sunna, et puis par la suite ils disent on est des musulmans. Ça c'est une contradiction, c'est pas possible. Hein? Donc ça c'est des exemples. Le cheikh dit فَلَا يُمْكِنُ فَهَدَ لَا يُمْكِنُ أَبَدًا أَنْ يُحِبَّ الْكُفَّارُ وَيَقُولْ أَنَا أُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذه ملة إبراهيم، تبرأ من أبيه، أقرب الناس إليه لما تبين له أنه عدو لله. Donc le cheikh explique, il dit il n'est pas possible qu'un croyant aime les kuffars, hein, dans le sens qu'il les aime par rapport à leur mécréance, et qu'ils disent en même temps je crois en Allah et en son messager. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans surat al-mumtahana, je ne sais pas c'est quel numéro al-mumtahana dans les versets, mais je vous dis mashallah, ça c'est une surat, c'est bien de la lire. Il y a des, par rapport à, aux règles et aux principes, aux points qui sont mentionnés dedans par rapport à la foi. Al-mumtahana, ça veut dire l'éprouver, si je ne me trompe pas. Aïna'am, l'éprouver. Al-mumtahana, c'est surat 60. Surat 60 dans le Coran. Donc, dans cette surah, au début, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh, vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre, hein, comme allié, hein, comme quelqu'un que vous aimez et dont vous êtes rapproché, alors que, hein, que vous aimez, que ne prenez pas ces gens-là pour alliés, sont mon ennemi et votre ennemi, en leur offrant l'amitié. C'est-à-dire, ne devez pas faire ça avec ces gens-là. Alors qu'ils ont opposé la foi, ainsi de suite. Et jusqu'au verset 4, dans Surat al-Mumtahana, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a certes pour vous un exemple à suivre, un bon exemple à suivre, dans la personne d'Abraham. Et d'Abraham et ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple, Nous nous désavouons de vous. C'est-à-dire, on ne veut rien savoir, on n'a rien à voir avec vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc, on se désavoue complètement de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Kafarna bikum. C'est-à-dire, nous vous renions. Wabada baynana wa baynakum al-adawat wal-baghda. Et entre vous et nous, hein, est apparue la haine et l'animosité. Abadan, hein, qui va rester, qui va durer, hatta tu'minu billahi wahda, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc ça dit, cette haine et cette animosité, elle est reliée à une chose, c'est quoi? C'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tant que ces gens-là n'ont pas cessé d'adorer les idoles, ils n'ont pas cessé de rejeter la foi en Allah, il y aura toujours cette haine et cette animosité entre eux et nous, entre les croyants et les non-croyants, tout le temps. Mais du moment qu'ils croient en Allah et qu'ils rejettent ce qui est adoré en dehors d'Allah, automatiquement cette haine, elle disparaît. Elle s'envole, elle disparaît complètement. Et qu'est-ce qui la remplace? C'est l'amour et la fraternité. Hein? Chacun d'entre nous, la majorité là, ici, bon, pas tous, mais beaucoup d'entre nous, on était des non-musulmans. Et Allah nous a guidés à l'islam. Hein? Avant l'islam, il n'y avait aucune chose qui nous rattachait. La seule chose qui fait qu'on est assis ensemble aujourd'hui en train de parler, c'est qu'on a cru en Allah et en son messager. Hein? Donc, qu'est-ce qui a mis cet amour et ce lien entre nous? C'est l'islam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis cette foi-là en nos cœurs et qui nous a guidés à l'islam. Pourquoi on est des frères? Parce qu'on a cru en l'unicité d'Allah et qu'on a rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on a cru en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et on s'est soumis à l'appel et à l'ordre d'Allah. Mm-hmm. Ouais. Le prophète, comme le cheikh il a expliqué, il a dit walau kana aqraba qarib. Aqraba qarib, ça veut dire quoi? Ça veut dire même si c'était les plus proches parents, le plus proche, même si c'est ton frère, même si c'est ton père, même si c'était ta famille, hein? Sauf que oui, mais en même temps ça veut dire que tu dois les détester par rapport à leur mécréance. Mais en même temps, ceux qui ont un lien de parenté avec toi, ils ont un droit sur toi. Et toi, en même temps, tu dois agir avec eux de la meilleure façon. Pour pouvoir justement, d'un côté, les ramener à l'islam et les inviter au droit chemin, puis avoir des bons comportements envers eux. Mais il y a des clarifications qui vont être données par le cheikh par la suite, pour expliquer ça, mais pour l'instant, c'est comme expliquer les principes de base, tu vois. Je vais te donner un exemple. Après, tu me diras si c'est par rapport à ce que tu dis ou non. Il y a des gens, par exemple, parmi les musulmans, on va dire qu'un musulman, il a un problème avec un kafir. Avec un kafir, c'est-à-dire avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Mais il a un problème avec lui pour de l'argent. Parce que le kafir ne lui a pas donné son argent. Ou bien il lui a fait mal, ou bien il l'a insulté. Donc lui, il déteste ce kafir. Pas parce qu'il est kafir, mais juste parce qu'il a un problème dans la dunya avec lui. Ça, cette haine-là, c'est pas pour Allah. Hein? C'est pas pour Allah. Et cette personne-là, elle n'a pas de récompense pour ça, si elle le déteste pour ça. Parce que quand le kafir va être correct avec lui, va être gentil avec lui, il va l'aimer. Donc dans ce cas-là, c'est pas pour Allah. Ça, c'est pour la dunya. Et ça compte pas par rapport à l'islam. C'est pas quelque chose pour lequel tu vas être récompensé par Allah ou puni. Des fois même, tu risques d'être puni même. Parce que tu aimes ou tu détestes le kafir, pas pour Allah, mais pour la dunya. Donc, ça c'est important de faire la distinction. Et donc, si tu détestes le kafir, tu dois détester le kafir pour Allah. Et si tu aimes le mu'min, tu dois l'aimer pour Allah aussi. Pour l'islam, pour sa foi, hein, pour son rapprochement à l'islam. Et si le musulman fait des péchés, tu l'aimes pour le bien qu'il a en lui et tu le détestes pour le mal qu'il a en lui aussi. Parce que chaque personne, il a des niveaux de foi. Plus quelqu'un il est proche d'Allah, plus quelqu'un il est croyant en Allah, plus tu dois l'aimer. Et si quelqu'un parmi les musulmans désobéit à Allah, tu l'aimes pour sa foi, mais en même temps tu détestes le mal qu'il fait et les choses qu'il fait qui ne sont pas correctes. D'accord? Tandis que le kafir, lui, tu détestes le kafir du fait qu'il est mécréant et qu'il est mushrik, il est associé avec Allah. Hein? Pas pour les choses de la dunya seulement. Mais en même temps, si par exemple il a certaines caractéristiques en lui qui sont de bien, tu peux aimer ces caractéristiques-là, mais lui tu le détestes pour Allah. Tu comprends? S'il a des caractéristiques qui sont bien, et que tu commences à les énumérer ou à mentionner ces caractéristiques de bien-là, ça, c'est quelque chose qui est dangereux, en fait. Et les ulama, ils ont mis en garde là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu mets ces défauts de l'avant, tu mets ces qualités de l'avant, et tu oublies de mentionner les fautes qu'il a qui sont plus dangereuses et plus graves que le bien qu'il a en lui-même. C'est-à-dire son shirk ou son kufr. Hein? Donc c'est pour ça que c'est bien de ne pas justement faire l'éloge des kuffars et des mushrikines, comme on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des kuffars et des mushrikines dans le Coran. Il a parlé de Abu Lahab, il a parlé de Pharaon, il a parlé de Nimrod et de d'autres. Et c'est sûr qu'ils avaient des caractéristiques ou des qualités, c'est certain, parce que tout le monde a une qualité. Hein? Mais il n'a pas mentionné leurs qualités. Il a mentionné que leurs défauts. Pourquoi? Parce que le but de mentionner ces individus-là dans le Coran, c'est de donner aux gens une leçon par rapport à qu'est-ce qui va les ramener vers le chemin d'Allah et vers la foi, et qui va les éloigner du kufr et de la mécréance et du shirk. Donc si tu commences à faire l'éloge, imaginez si Allah subhanahu wa ta'ala avait mentionné des qualités de Pharaon dans le Coran, ou des qualités de Nimrod, ou des qualités de Abu Lahab. Où est-ce qu'il aurait été le bien par rapport à ça? Hein? Les gens auraient dit, s'il a des qualités, donc on va le suivre, ou on va suivre cet exemple. Non, il a mentionné le mal relié à ces individus-là, et leur kufr et leur shirk, pour que les gens puissent prendre leur garde vis-à-vis de ça, et pour qu'ils sachent que la destination de ces individus-là, c'était l'enfer par la suite, et le châtiment dans la dunya. Donc si tu commences à faire l'éloge de ces koufars dans cette dunya, et que tu négliges leur mécréance, et que tu passes par-dessus comme si c'était un détail, eh bien tu risques par la suite peut-être de faire tomber beaucoup de gens dans l'erreur par la suite. Et il y a certains prêcheurs par contre qui ont fait cette erreur là par la suite. Souvent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mentionné par exemple certains scientifiques, certains hommes de science ou certains philosophes qui par exemple ont mentionné le fait qu'ils croyaient en Dieu, puis qu'ils avaient observé dans l'univers des choses, puis qu'ils reconnaissaient qu'il y a un créateur, et ils citent ces individus là comme étant des croyants. Et puis, ils utilisent ces exemples-là comme des exemples pour appeler les gens à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, ces kuffars et ces mushrikins qui ont été des grands scientifiques, par exemple, et qui ont reconnu certaines attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou certains aspects de la foi en Allah, eh bien, ces hommes-là, ont la grande partie de leur temps, c'était des mushrikins et des kuffars. Même s'ils ont reconnu l'existence de Dieu, c'est pas suffisant pour faire d'eux des croyants. Et même s'ils ont été très savants dans la science, le fait que, par exemple, ils ont soit adoré d'autres avec Allah, ou bien soit qu'ils ont renié l'existence des messagers et des prophètes, ils ont refusé de croire en eux, eh bien, ça fait en sorte que leur reconnaissance de l'existence en Allah n'est pas bénéfique, n'est pas valable pour eux. C'est pas suffisant juste de dire je crois que Dieu existe si à la fin tu renies ses prophètes et ses messagers, tu renies ses livres et ses révélations, tu rejettes ses anges et tu n'y crois pas, et tu refuses de te soumettre à Allah seul, et tu prends entre toi et Allah des associés, des partenaires. Dans ce cas-là, ta reconnaissance de son existence ne suffit pas pour te faire entrer dans la foi, et ne te protège pas donc du châtiment de l'enfer. Donc là, on a expliqué ça. Donc ensuite, dans le verset en question, dans sourate Al-Mumtahana, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il mentionne que il y avait pour vous un bon exemple en Abraham et en ceux qui ont cru avec lui lorsqu'ils ont dit cette parole dans laquelle ils se sont désavoués des mushrikines et des kuffars, et dans laquelle ils ont expliqué que tant que ces kuffars et ces mushrikines là continuaient à associer avec Allah ou rejeter la foi, il y aura toujours entre eux ce désaveu et cette animosité et cette haine. Puis, à la fin du verset, le cheikh il l'a pas cité ici, mais il est mentionné dans surat al-Mumtahana, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Illa qawla Ibrahim li abihi wa qawmihi. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. » Ça, c'est ce qui est mentionné à la suite du verset 4. C'est-à-dire, exception faite de la parole d'Abraham adressée à son père, j'implorerai certes pardon d'Allah en ta faveur. C'est-à-dire qu'il y a un bon exemple à suivre pour nous dans l'exemple de ce qu'on a mentionné, de Ibrahim et de ceux qui étaient avec lui par rapport à son peuple, excepté la parole d'Abraham lorsqu'il dit à son père, je vais demander pardon à Allah pour toi. Pourquoi? Parce que c'est interdit pour le croyant de demander pardon à Allah pour un mouchrik après qu'il soit après sa mort, de demander pardon pour lui ou miséricorde pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ça dans surat At-Tawba, le verset 114. Donc dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement que la demande de pardon d'Abraham pour son père, c'était uniquement à cause d'une promesse qu'il avait faite, mais lorsqu'il a vu clairement que son père était un ennemi d'Allah, il s'en est désavoué. Donc c'est le verset 114. Et le verset 113, juste avant, la surat Tawba, explique ça aussi. Donc il dit dans le verset 113, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des mouchriquins, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Donc c'est-à-dire une fois que c'est clair que ces gens-là sont des koufars et des mouchriquins et qu'ils sont morts dans le kufr et dans le shirk, on n'a pas le droit de demander pardon pour eux. En arabe, le verset c'est « Ma kana lil-nabiyyi wal-lazina amanu ma kana lil-nabiyyi wal-lazina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. » Et après il dit « Ma kana istighfaru Ibrahim li-abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. » Donc il dit, Abraham ne demanda pardon, ça c'est le verset 114, Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Hein? Et il dit, mais dès qu'il lui a apparu clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Et la promesse d'Ibrahim, c'est dans surat 19, le verset 41 et 48. Il parle de l'histoire d'Abraham et de son père. Et mentionne dans le livre Abraham, c'était un très véridique et un prophète. Et lorsqu'il dit à son père, oh mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Oh mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Oh mon père, n'adore pas le shaitan, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains un châtiment venant du tout miséricordieux. Je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du shaitan. Il dit, ô Abraham, ça c'est son père. Il dit, ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Il dit, paix sur toi, dit Abraham, j'implorerai mon Seigneur de te pardonner car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Je me sépare de vous ainsi que de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah et j'invoquerai mon Seigneur, j'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Donc tu vois qu'il demande, il dit qu'il va demander pardon par la suite, puis Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, Abraham demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite, mais dès qu'il lui a apparu clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. Donc ça veut dire que ça c'est un exemple qui n'est pas à suivre, de demander pardon pour un mushrik, hein? Des hypocrites ou bien des mushrikin. Parce que ça s'était révélé à la mort de l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, lorsqu'il est mort mushrik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu voir son oncle Abu Talib qui était dans le lit de mort, et il y avait avec lui Abu Jahl et un autre aussi qui je pense c'est Utba ou bien Rabi'a ou un autre mushrik, en tout cas par la suite, hein, ouais, je pense qu'il est devenu musulman par la suite l'autre, mais c'est Abu Jahl, lui il est mort mécréant. Mais Abu Jahl, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dit à son oncle Abu Talib, deviens musulman, dis la ilaha illallah. Et Abu Jahl a dit, est-ce que tu vas abandonner les divinités de ton peuple, hein, et tu vas renier tes ancêtres, ainsi de suite. Et finalement à la fin Abu Talib il est mort mushrik, il est mort mécréant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais implorer pardon à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que cela me soit interdit. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset par rapport justement dans sourate Tawbah, justement pour dans le verset 113 et 114 dans sourate Tawbah, pour que les croyants sachent que on ne doit pas demander le pardon et la miséricorde pour les mushrikines qui sont morts. Mais si les kuffars et les mushrikines ne sont pas musulmans et qu'ils sont pas, ils sont encore vivants, on a le droit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide à l'islam. Mais on ne doit pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire miséricorde ou de les pardonner s'ils sont morts. Oui, même encore aujourd'hui à notre époque, il y en a qui font des trucs comme ça, qui demandent le pardon, la miséricorde pour les morts. Et dernièrement, il y en a un qui a fait ça lorsque le pape est décédé, et il a demandé la miséricorde pour lui. Et bien entendu, ça c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Si quelqu'un il est musulman, il a des membres de sa famille qui sont pas musulmans, mais il a des mauvaises relations avec eux, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que les relations qu'ils ont, c'est-à-dire dans leur vie, soient meilleures, qu'ils aient moins, qu'ils ne soient pas des disputes, quand ce n'est pas relié à la religion, tu vois. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas non plus négliger le fait de demander à Allah de les guider. Parce que ça, c'est plus important que la relation, tu vois. Hein, c'est plus important. Puisque s'ils meurent dans le shirk ou dans le kufr, c'est l'enfer pour l'éternité, tu vois. Donc c'est plus important que Allah les guide, demander à Allah de les guider à la foi et à l'islam. Wallahu a'lam. Et le shaykh, il dit ensuite donc, وَهَدِهِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمِ. Donc ça c'est la voie d'Abraham, de se désavouer des mushrikines. On voit qu'Abraham lui-même s'est désavoué de son propre père, après qu'il a su que c'était un ennemi d'Allah. Le cheikh il dit ensuite, ودلت الآية أيضا على أن محبة الكافر تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر إما مع أصله أو مع كماله. ولكن إن كانت محبتهم معها تأييد لمذهبهم وكفرهم فهذا خروج عن الإسلام. أما إن كان مجرد محبة من غير مناصرة لهم فهذا يعتبر منقصا للإيمان وفسقا ومضعفا للإيمان. نعم. Donc le cheikh explique, il dit ici que dans ce verset on voit que le fait d'aimer le kafir, ça annule la foi, ça oppose la foi, ça vient en contradiction avec la foi en Allah et au jour dernier. Et soit que c'est en contradiction avec la base de la foi ou avec la perfection de la foi. Donc on voit qu'il y a deux catégories. C'est-à-dire que d'aimer un kafir, soit que c'est en opposition avec la base de la foi ou avec l'aperfectionnement de la foi. Et le cheikh explique les deux cas. Il dit, si tu les aimes et qu'en même temps tu les aimes en étant en train de supporter leurs croyances de kufr et de shirk, et que tu es d'accord avec ces positions-là qu'ils ont ou ces croyances-là qu'ils ont, ou avec leur religion, ou avec leurs idéologies, ou leur système, dans ce cas-là, c'est une forme d'apostasie. C'est quelque chose qui te fait sortir de la religion. Oui, c'est quelque chose qui fait que tu sors de l'islam, le cheikh il dit. Donc, il dit ولكن إن كانت محبتهم معها تأييد لمذهبهم وكفرهم فهذا خروج عن الإسلام. Donc, si toi tu les aimes, puis en même temps que tu les aimes par rapport à leur religion, comme je disais tout à l'heure, si tu les aimes par rapport à leur religion, par rapport à leurs idéologies, qui sont en contradiction avec les bases de l'islam, avec le tawhid, avec l'unicité d'Allah, avec la foi en les messagers et des choses de ce genre, là tu détruis ton islam, tu sors de la religion. Toutefois, si tu les aimes uniquement comme ça, pour des choses de la dunya, sans leur venir en aide, sans les défendre, alors ça c'est quelque chose qui va diminuer ta foi, qui te fait tomber dans le péché, qui fait affaiblir ta foi, mais qui ne te fait pas nécessairement sortir de l'islam. Tu comprends? Donc il faut faire la distinction entre les deux catégories, parce que des fois il y a des gens qui ne distinguent pas entre les deux, ils mettent tout dans le même paquet, puis à cause de ça, ils déclarent non musulmans des gens pour des péchés seulement, et comme les khawarij par exemple. Et donc ça c'est dangereux. Le cheikh il dit ensuite, « وَقِيلَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةِ » يعني الفرسي 22 من سورة المجادلة الشيخ دي وقيل إن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه تعالى لما قتل أباه يوم بدر لأن أباه كان على الكفر وكان يريد أن يقتل ابنه أبا عبيدة فقتله أبو عبيدة رضي الله عنه لأنه عدو الله ولم يمنعه أنه أبوه لم يمنعه ذلك من قتله غضبا لله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que on dit également que ce verset là a été révélé, le verset 22 dans sourate al-Mujadala a été révélé à cause d'un sahabi qu'on appelle Abu Ubaida ibn al-Jarrah, un des grands parmi les sahaba. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, il fait partie des 10 parmi ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Donc, yani, qu'est-ce qu'il a dit le prophète, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que le verset était supposément descendu à propos de Abu Ubaida ibn al-Jarrah parce qu'il a tué son père dans la bataille de Badr. Il a participé à la bataille de Badr et il a été affronté. Il a été face à face avec son père dans la bataille. Ok? Donc son père était un kafir. Son père était sur le kufr. Et son père a voulu tuer son fils. C'est-à-dire, le père d'Abu Ubaida a voulu tuer son fils. Parce que c'était un idolâtre, un mushrik. Et il allait tuer son fils. Parce qu'il est devenu musulman. Donc il le cherchait dans la bataille. Il est arrivé face à face avec son père, Abu Ubaida. Et il l'a tué. Abu Ubaida ibn al-Jarrah a tué son propre père. Pourquoi? Parce que c'était un ennemi d'Allah. Et le fait que ce soit son père, ça ne l'a pas empêché de le combattre et de le tuer par colère pour Allah. Hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui régit nos rapports entre nous? C'est notre foi. Et que cette foi-là, elle passe même par-dessus notre lien de parenté. Et qu'il a plus d'importance que notre lien de parenté. Donc, ça, c'est des exemples. Le cheikh dit ensuite, « Wa qawluhu ta'ala, ula'ika, ay, alladhina يبتعدون عن محبة الله ومحبة من حاد الله ورسوله قوله تعالى كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبت الله في قلوبهم ورسخ الله في قلوبهم الإيمان قوله تعالى وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار التأييد معناه التقوية قواهم بروح منه والروح لها عدة إطلاقات في القرآن منها الروح التي هي النفس التي بها الحياة ومنها الوحي كما في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ومنها جبريل عليه السلام أنه روح القدس والروح الأمين. Donc le Cheikh explique ensuite, il dit que ceux-là, hein, dans le verset 22, quand il dit ceux-là, après avoir mentionné ceux qui n'aiment pas, ceux qui opposent Allah et son messager, ceux-là sont ceux qui, pour qui Allah a raffermi la foi dans leur cœur. Allah a raffermi la foi dans leur cœur. C'est-à-dire ceux qui n'aiment pas ceux qui s'opposent à Allah et son messager, Allah a raffermi la foi dans leur cœur. Et il est venu à leur aide, il les a renforcés dans leur foi par un esprit venant de lui, c'est-à-dire par une force venant de lui. Parce que le cheikh, il dit que le mot ruh, ruh en arabe, dans le Coran, il est utilisé pour désigner différentes choses. Et il explique ces différentes utilisations dans la révélation dans le Coran. Premièrement, ar-ruh, ça peut vouloir dire l'âme ou la vie, l'âme qui fait vivre. Hein. Ça peut vouloir dire également la révélation, al-wahyu. Hein, comme il dit par exemple dans Surat Ash-Shura, le verset 52, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. C'est ainsi que nous avons fait descendre sur toi un esprit de notre ordre. C'est-à-dire une révélation qu'il a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Surat Shura 52. De même qu'on appelle aussi Jibril, on l'appelle Ar-Ruh. Ar-Ruh al-Qudus, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est pas comme les chrétiens qui pensent que c'est Dieu, une des trois personnes qui fait partie de la Trinité. Hein, comme ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils divisent Dieu en trois. Nous on dit non. Il y a un seul Dieu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Puis Isa alayhi salam, c'est pas le Fils de Dieu, c'est un messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est le messager de Dieu. Et l'Esprit Saint, c'est qui? C'est Jibril. C'est l'ange qui a transmis la révélation au prophète. Hein? Donc, Ruh al-Qudus, l'Esprit Saint, c'est pas Dieu. C'est l'ange Gabriel, hein, l'Esprit Saint. Donc, le Cheikh, il mentionne des versets à ce sujet-là, justement, dans le verset 102, dans Surat al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قال تعالى قل نزله الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وقال تعالى نزل به الروح الأمين ومنها ما في هذه الآية وهي القوة. Donc il dit donc dans le verset 102 dans sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'ange Gabriel en le désignant par le nom l'Esprit Saint, Ar-Ruh al-Qudus. Hein, c'est ainsi que il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, aux gens, que c'est l'ange, hein, Gabriel, l'Esprit Saint, qui le fait descendre de la part de son Seigneur en toute vérité pour raffermir ceux qui ont cru et comme une guidance et une bonne nouvelle pour les musulmans. Et il mentionne également le verset 193 dans Surat Ash-Shu'ara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est l'Esprit Saint qui l'a fait descendre. C'est-à-dire l'ange Gabriel qui l'a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis parmi les significations du mot ruh, il y a également la signification de la force, al-quwa, comme c'est le cas dans ce verset ici. Wa ayyadahum bi ruhin minh. Hein, il les a raffermis ou renforcés par une force venant de lui. Fa ayyadahum bi ruhin minhu ay bi quwwatin minhu subhanahu wa ta'ala. قوة إيمان في الدنيا وفي الآخرة ويدخلهم جنات يعني جمع جنة والجنة في اللغة البستان سمي جنة لأنه مشتن بالأشجار أي مستتر ومغطى بالأشجار الملتفة لأن الجنة ظلال لأن الجنة ظلال وأشجار وأنهار وقصور وأعلاها وسقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit qu'il les a renfermés de sa force, une force venant de lui. Allah subhanahu wa ta'ala les a renfermés d'une force venant de lui. C'est la force de la foi dans cette dunya. Et dans l'au-delà, il va les faire rentrer dans un paradis. C'est le mot utilisé qui est le mot jannat. C'est le pluriel du mot jannat qui signifie, dans le sens linguistique en arabe, qui signifie le jardin. Al-jannat, ça signifie le jardin. Al-Bustan, ok. Et on l'appelle Jannah, pourquoi? Parce qu'il est caché par des arbres, il est entouré d'arbres. Donc il est camouflé par les arbres, comme des jardins qui sont entourés d'arbres. Et donc, dans le paradis, qu'est-ce qu'il y a? Des ombrages, c'est-à-dire des ombres sous lesquelles on peut s'asseoir, et des arbres, et des rivières, et des palais, et le dessus du paradis, c'est le toit du paradis, c'est quoi? Le dessus du paradis, c'est le trône de Dieu. D'accord. Naam, qu'est-ce que tu voulais dire, Issa? Junna. Racine, oui. Quelque chose qui est caché. Oui. Même on appelle le bébé dans le ventre le janine. Hein? Tout ça remonte à la même racine pour dire qu'il y a quelque chose qui est caché. Non. Parce que Issa, il étudie le sarf maintenant, donc là, il découvre tous les secrets de la langue arabe. Hein? Djinn, on les appelle djinn pourquoi? Parce qu'on les voit pas, c'est un monde caché. Donc tout ça, ça a un lien. Ces mots-là ont tous un lien, un avec les autres. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il dit le cher? Naam, djanana. Exact. Jim, nun. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite, le Cheikh? Il dit: وقوله تعالى تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي باقين فيها لا يتحولون عنها. قال تعالى لا يبغون عنها حولا يعني لا يخافون من موت ولا يخافون من أحد يخرجهم ويطردهم. ويطردهم مثل ما في الدنيا قد يكون الإنسان في الدنيا في قصور ولكن لا يسلم من الموت فيخرج منها ولا يسلم من الأعداء يتسلطون عليه ويخرجونه الإنسان في الدنيا دائما خائف. الشيخ qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ils vont rentrer, donc les croyants, dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ils vont y demeurer éternellement. Le cheikh, il dit que, c'est-à-dire, ils vont rester tout le temps dedans, dans les paradis. Une fois que tu es rentré, tu sors plus, c'est fini, tu restes pour toujours. Tu ne vas pas être enlevé pour être mis ailleurs. Et il mentionne le verset 108 dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah dit « La yabruna anha shiwala » Ils ne vont pas chercher à être transférés ou mis ailleurs. C'est-à-dire, quand tu vas dans le paradis, tu vas plus avoir la crainte de la mort. Tu vas pas avoir peur que quelqu'un te chasse ou te fasse sortir. Ça y est, t'es rentré, c'est fini. Contrairement à ce qui se passe dans la dunya, peut-être que dans cette vie d'ici-bas, tu vas avoir un château ou un palais. Hein? Mais tu peux pas être sauvé de la mort. Donc, tu dois un jour ou l'autre quitter. Ou bien, même si tu as ce palais que tu vis dedans, c'est bien possible que des ennemis viennent et te chassent, prennent le dessus sur ton palais et ils te chassent, ils te fassent sortir de ce palais. Donc l'être humain dans la dunya, il a toujours peur, il est toujours insécure, il est toujours inquiet. C'est pas comme dans l'au-delà. Donc dans cette dunya, vous allez remarquer, Les êtres humains, plus ils ont des biens et des richesses dans la dunya, plus ils deviennent insécures, plus ils cherchent à se protéger. Hein, si tu as un palais, là, tu vas mettre des caméras, tu vas mettre un système d'alarme, tu vas mettre plein de choses, parce que tu as toujours peur que tu vas perdre qu'est-ce que tu as. Dans l'au-delà, dans le paradis, tu n'as plus peur. Ok? Et le cheikh dit, « Wa qawluhu ta'ala radiyallahu anhum wa radu'an. Lama aghdabu أقرباءهم من الكفار وأعادوهم منحهم الله الرضا منه سبحانه وتعالى جزاء لهم فهم عوضوا بأغضابهم لأقاربهم الكفار عوضوا برضا الله أو عوضوا برضا الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه فهم عوضوا بإغضابهم لأقاربهم الكفار عوضوا برضا الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. Donc ici qu'est-ce qu'il explique le cheikh, il dit Allah a été satisfait d'eux et eux sont satisfaits d'Allah. Donc étant donné qu'ils ont mis leurs proches parmi les kuffars en colère contre eux à cause de leur foi en Allah, et étant donné qu'ils ont opposé leurs proches mécréants à cause de leur foi en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné en échange sa satisfaction et son agrément comme une rétribution pour eux du fait que eux ils ont attirer la colère de leurs proches et la haine de leurs proches parmi les kuffars. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme en rétribution ou en échange de ça sa satisfaction et son agrément. Hein? Donc c'est pour ça que Allah dit qu'il est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, toute chose qui t'arrive dans cette dunya, comme on dit en arabe souvent, al-jaza'u min jins al-amal. La rétribution est toujours de la même catégorie que l'action que tu fais. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il rétribue le bien par le bien et le mal par le mal. Pardon. Al-jaza'u min jins al-amal. La rétribution, c'est-à-dire la rétribution qu'Allah donne, c'est pour toujours correspond à l'action. Si tu as fait le bien, Allah te redonne le bien. Et si tu as fait le mal, il te redonne le mal. Mais souvent, c'est un mal qui correspond au mal que tu fais. Et dans la même catégorie. Et si c'est un bien, Allah te remet un bien qui correspond au bien que tu faisais. Et quand c'est un bien, comme par exemple, les croyants qui mettaient leurs proches en colère contre eux à cause de leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu es croyant, ta famille sont des non-croyants. Et à cause du fait que toi, tu crois en l'islam, eux, ils te détestent pour ça. Allah, il va te récompenser en te donnant sa satisfaction. Hein? Donc, c'est un exemple. Et il termine le verset en expliquant et en disant « Oulaika hizbullah ». قوله أولئك حزب الله أي جماعة الله أما الكفار فهم حزب الشيطان قال تعالى عنهم أولئك حزب الشيطان أي جماعة الشيطان أنصار الشيطان أما هؤلاء فهم أنصار الرب. Donc le cheikh explique que à la fin Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de ce verset il dit que ceux-là, ceux qui ont cette description qui est mentionnée dans le verset, sont le parti d'Allah ou le groupe d'Allah. Hein? Tandis que les kuffars, eux, sont le parti du shaitan et le groupe du shaitan. Il y a des groupes parmi les groupes actuellement dans le monde musulman qui se prétendent ou qui se donnent le nom de Hezbollah. Hein? Alors qu'ils sont Hezbo Shaitan. Hein? Ils sont Hezbo Shaitan parce qu'ils font partie des gens qui détestent les alliés d'Allah. Comme les Rafida, par exemple, au Liban, qui s'appellent Hezbollah, le parti d'Allah. Alors qu'ils ne sont pas le parti d'Allah, puisqu'ils détestent le parti d'Allah. Ils détestent les Sahaba et les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils les insultent. Et également, ils adorent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des créatures d'Allah. Ils adorent les descendants de Ali radiallahu anhu. Et ils les prennent comme des intermédiaires, des intercesseurs entre eux et Allah. Et ils vont à leur tombe pour les adorer et leur offrir des prières et des doigts et des choses de ce genre. Ça, c'est shirk yani. C'est comme le frère, il dit. Sahih, sahih, barakallahu fik. C'est parce qu'ils prétendent qu'ils aiment les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les rafida, ils utilisent comme prétexte pour détester les sahaba, puis insulter les sahaba, ils utilisent comme prétexte pour ça l'amour qu'ils ont, soi-disant, pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa fille et ses fils, c'est-à-dire sa fille et ses descendants, et son neveu, son cousin Ali radiallahu anhu, et les petits-enfants qu'il a eu avec Fatima, sa fille, radiallahu anha, ainsi de suite. Et bien entendu, c'est pas de l'amour qu'ils ont, c'est un amour qui est faux, et en même temps, c'est un amour exagéré même, dans le sens qu'ils tombent même dans le shirk. En prétendant qu'ils les aiment, ils tombent dans le shirk, dans le sens que ils les adorent et ils leur offrent des invocations et des prières et ils les appellent au secours lorsqu'ils ont une détresse ou un malheur. Donc il n'y a pas de doute que ça c'est quelque chose qui est contraire à l'amour réel et ça tombe dans le shirk. Comme les chrétiens par exemple qui prétendent aimer Jésus, aimer Isa alayhi salam, puis qui commence à l'adorer et exagérer avec lui au point de faire de lui une divinité ou un fils de Dieu ou des choses de ce genre. Ça, c'est pas de l'amour, c'est du shirk. Okay? Donc, il faut pas que ton amour te fasse tomber dans le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça dans le Coran. Par exemple, il dit, c'est quoi le verset? Dans surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Il y a des gens parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux avec Allah, ils les aiment comme on aime Allah. Mais ceux qui sont croyants, ceux qui ont cru, ils sont plus forts que dans leur amour d'Allah. Et il y a un autre verset, comme par exemple le verset qui dit: تالله إن كنا في إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Et un autre verset aussi dans sourate Al-An'am dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est au début, attends, je vais vérifier, je ne me rappelle plus. أي نعم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. C'est ça. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Les ulama ont dit, ceux qui ont mécru, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, ceux qui ont mécru, ils donnent des égaux avec Allah. Et la façon dont ils les ont mis à égalité avec Allah, c'est dans leur amour, dans l'amour qu'ils avaient pour eux. C'est-à-dire, ils les ont aimés d'un amour qui a du shirk dedans. Et donc, ça, c'est pour faire comprendre que d'exagérer dans l'amour, c'est quelque chose qui peut faire tomber les gens dans le shirk. Ensuite, le shaykh il explique que le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui sont décrits dans ce verset là, et ceux qui s'opposent à eux, ce sont les gens qui sont alliés du shaytan, c'est-à-dire le parti du shaytan ou le groupe du shaytan et les alliés du shaytan, les défenseurs du shaytan. Donc, il faut pas mélanger entre les deux. Il faut distinguer entre Awliya al-Rahman et Awliya al-Shaytan, et Ansar al-Rahman et Ansar al-Shaytan, et Hezbollah et Hezb al-Shaytan. C'est deux parties et deux groupes opposés. Donc ça vient conclure le cours d'aujourd'hui. Inch'Allah, on va continuer demain. Puis, dans les règles qu'on va expliquer demain, Inch'Allah, on va rentrer dans les détails des différentes catégories qui sont reliées avec le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, et des catégories d'entre les koufars, comme par exemple quand quelqu'un il a des interactions avec les koufars et les mouchriquines, il y a des choses là-dedans qui n'opposent pas la foi en Allah. Parmi les interactions qu'on va avoir avec les mouchriquins et les kuffars, c'est pas nécessairement quelque chose qui vient opposer la foi en l'islam. Comme par exemple les alliances et les pactes, les ententes internationales, ou bien parfois les rapports qu'on a avec des parents. Par exemple, si quelqu'un a son père ou sa mère qui n'est pas musulmane, il doit agir bien avec eux. Ça, c'est pas contraire à l'islam. Et ainsi de suite. Donc, il y a des exemples comme ça, de faire du commerce avec les kuffars, c'est pas interdit. Donc, tout ça, c'est clarifié dans les paroles du cheikh, dans qu'est-ce qui va suivre et qu'est-ce qu'on va mentionner. Ah oui, c'est vrai, la semaine prochaine. Barakallahu fik. Parce que j'ai oublié qu'on a changé l'horaire des cours. Donc, demain, on va faire sur le manhaj des salaf. Toutefois, aujourd'hui, donc, on s'arrête avec ça, puis la semaine prochaine, on va continuer. Donc, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.